Chapitre 9e. L'enterrement avait été fixé au lundi matin. Car si désireuse que fût Madame d'Alifar de ne pas perdre de temps, elle avait en cette occasion sacrifié son intérêt, ne voulant rien épargner, ni l'argent dépensé en frais funéraires, ni l'argent perdu par la fermeture de la maison un jour ouvrable. Il fallait que les funérailles du père servissent à la réputation du fils. Si le pauvre homme n'avait été bon à rien de son vivant, mort, il serait au moins utile à quelque chose. C'était le lundi seulement qu'on pouvait avoir la messe chantée, et puis le dimanche était le jour des petites gens qui ont besoin de leur travail de toute la semaine. Adolphe avait été chargé par sa mère de vérifier la liste des billets d'invitation pour voir s'il ne trouverait pas des noms d'amis, de connaissances ou de gens avec lesquels la maison était en relation qui auraient été oubliés. Madame d'Alifar tenait à ce que les choses fussent faites grandement et à ce que l'argent qu'elle dépensait produisît tout l'effet désirable. 1000 invités ne coûtaient pas beaucoup, plus que 500, et l'on avait ainsi des chances pour avoir un bel enterrement. Or, elle avait à cœur ce bel enterrement pour les siens et même pour elle. Grande fut la surprise d'Adolphe, en lisant cette liste, de ne pas y trouver un nom qu'il chercha tout d'abord, celui de Madame Nélis. Il la relut une seconde fois, mais sans voir nulle part ce nom qui devait lui sauter aux yeux ou un autre mal écrit qui ressembla à celui-là. D'où venait cet oubli? Était-ce un simple oubli ou bien n'était-ce point le résultat d'un ordre donné? Lorsqu'il avait quitté Paris un an auparavant, ça avait été la suite d'un entretien avec sa mère, dans lequel celle-ci lui avait reproché sa trop grande intimité avec Juliette Nélis. Il avait soutenu que cette intimité ne dépassait pas les bornes de l'amitié. Et comme sa mère insistait sur le caractère dangereux que présentait cette amitié avec une jeune fille séduisante sous tous les rapports, excepté sous celui de la fortune, puisqu'elle n'avait rien, il s'était laissé envoyer en Angleterre sans se défendre. Depuis ce départ, la quasi-intimité qui existait alors entre sa mère et Madame Nélis s'était-elle rompue? C'était ce qu'il s'était demandé plus d'une fois en ne trouvant jamais le nom de Madame Nélis dans les lettres de sa mère. Et c'était ce qu'il se demandait maintenant en ne trouvant pas davantage ce nom sur la liste des invitations. Le moyen le plus simple d'obtenir une réponse à ces questions, c'était d'aller interroger sa mère. Mais les moyens simples et directs ne sont pas toujours ceux dont on se sert, alors surtout qu'on craint de se livrer. Demander comment Madame Nélis avait été oubliée, et ne pas faire cette demande pour d'autres noms, c'était avouer que celui-là tenait une grande place dans sa tête et peut-être même dans son cœur. Il reprit donc la liste pour la troisième fois, et il se mit à chercher d'autres noms qui eussent été pareillement oubliés. Mais ces noms n'avaient pas la puissance de celui de Juliette Nélis, et ils ne se présentaient pas à son esprit. Enfin, il en trouva un. C'était celui d'un commensal de la maison, un vieux beau, appelé M. Descloiseau, qui, pendant la saison d'été, alors qu'il n'était pas en villégiature chez l'un ou l'autre de ses amis, venait dîner souvent le dimanche à Nogent, accablant Mme d'Alifar de ses compliments régences et M. d'Alifar de son amitié protectrice. Aussitôt, et sans en chercher d'autres, il se rendit auprès de sa mère. « Il y a deux noms d'oubliés, » dit-il d'un air surpris. « S'il n'y en a que deux, ce n'est pas trop. »« C'est que cela ne devait guère l'être. »« Lesquels ?»« Monsieur Descloiseau et Madame Nélis. » »« Et c'est précisément parce qu'ils ne devaient pas l'être qu'ils l'ont été. »« Je les avais effacés de la liste que j'ai donnée à Lucius, parce que je voulais leur faire écrire un billet que j'aurais signé. »« Tu as vu l'amitié de Monsieur Descloiseau pour ton père, et il me semblait que pour lui un simple faire-part était bien sec. »« De même pour Madame Nélis. » Si nos relations ont été moins suivies en ces derniers temps, c'est une raison pour que, dans ces circonstances, je n'agisse pas froidement avec elle. Mais j'étais tellement troublé par cette affaire du testament que j'ai oublié M. Descloiseau, Mme Nélis et encore deux ou trois personnes. Heureusement, il est temps encore. Veux-tu que j'écrive pour toi? Maintenant que tu es le chef de la famille, fais ce qui est convenable. Je n'entends rien à toutes ces choses. Il m'a semblé que je devais envoyer un mot particulier aux personnes avec lesquelles Nous avons une intimité d'un certain genre, mais je ne sais pas si c'est l'usage. Ce sont là des détails que je n'ai pu apprendre autrefois et que maintenant je n'ose demander à personne, si ce n'est à toi. J'ai ma fierté. C'est peut-être une faiblesse. Viens-moi en aide et désormais, pour tout cela, fais ce que tu jugeras devoir faire. » Naturellement, il jugea qu'il devait écrire. Monsieur Descloiseaux aurait été seul oublié, un billet de faire paru suffit. Mais pour Madame Nélisse et pour Juliette, il fallait une lettre. La cérémonie avait été fixée pour 11 heures précises. Un peu avant l'heure, les personnes invitées commencèrent à arriver. Les employés de la maison les premiers, comme il convenait, et avant tout Lucius, qui, depuis 10h30, se promenait en long et en large dans la rue des Vieilles Audriettes comme s'il eût été chargé de surveiller les gens des pompes funèbres. Il s'était fait une tête pour la circonstance, et jamais l'affliction qui se contient n'avait été représentée avec plus de dignité. Un comédien eût été satisfait de cette mine. Le visage allongé, les yeux mi-clos, la lèvre inférieure pendante, c'était parfait. De temps en temps, il allait jusqu'au coin de la rue, et en passant devant la glace du marchand de vin, il regardait rapidement si sa figure gardait l'expression voulue. Selon le besoin, il l'allongeait ou l'élargissait. À mesure que les employés arrivaient, ils allaient se grouper dans un coin de la cour, l'humilité de leurs conditions ne les autorisant pas à pénétrer dans le salon où Adolphe, le dos à la cheminée, serrait, sans trop savoir ce qu'il faisait, les mains qu'on tendait vers lui, et encore moins dans la chambre de Madame d'Alifard où celle-ci, assise dans un fauteuil comme un roi sur son trône, recevait les compliments de condoléances de ses intimes. À l'exception de Maïadas et de Flavien, tous les employés étaient au complet et en attendant la levée du corps, ils causaient. « Êtes-vous entré dans la maison ?» disait l'un d'eux en s'adressant à Lucius. « Pourquoi me demandez-vous ça ?»« Pour connaître le cérémonial des enterrements à Paris et savoir si l'on donne des gants aux invités. » « Quelle bêtise me dites-vous là ? » ?»« À Rouen, où j'étais avant de venir ici, ça se fait dans certaines maisons. Et vous comprenez, c'est très commode. Ainsi, à l'enterrement de mon dernier patron, j'ai eu une paire de gants blancs qui m'a servi pour le mariage de ma fille et pour le baptême de mon petit-fils. Ils étaient très bons, je les ai encore, et pourtant il y a 10 ans. » Le caissier ouvrait la bouche pour relever vertement l'inconvenance de cette question, quand l'entrée de Maïadas lui coupa la parole. Celui-ci, qui avait été sergent-major et qui connaissait les derniers honneurs qu'on doit rendre à ses chefs, s'était mis en grande tenue. Il arrivait, la taille serrée dans sa redingote boutonnée, les mains gantées de gants noirs, les souliers guêtrés de guêtres blanches, et tout en marchant, il levait la tête en l'air pour étudier le ciel, couvert de gros nuages menaçants. « Est-ce que vous avez peur de la pluie ?» dit Lucius en lui serrant la main. « Vous, un soldat ?» Il faut dire que j'étreins aujourd'hui un col et des manchettes de chemise en papier. Il paraît que c'est très économique. Mais vous comprenez que dans la circonstance, si nous recevions une bonne averse, ça me chiffonnerait. « Ah, très drôle !» dit le caissier en riant en pleine bouche. Mais se souvenant aussitôt que le rire lui était interdit pour la matinée, il reprit vivement sa mine allongée, qui véritablement eut quelque chose de lugubre. « Vous voyez que j'avais raison de soutenir que l'enterrement se ferait le lundi, » reprit Maïdas. « Nous ne sommes pas en Angleterre, que diable. Et nous ne gardons pas nos morts toute la semaine pour les enterrer le dimanche, par économie de temps et par distraction. Il faut dire aussi, » continua un autre, « que le lundi est un mauvais jour de vente. » Peu à peu, la cour s'était remplie, et les personnes qui montaient au second étage avaient à déranger les groupes qui, s'étant formés suivant le hasard des connaissances, causaient et discutaient. Décidément, Madame d'Alifard verrait ses désirs satisfaits, son mari aurait un bel enterrement. Du coin dans lequel ils s'étaient réunis, les employés suivaient le défilé et faisaient des commentaires sur les nouveaux arrivants. Quand M. Ferdinand d'Alifard parut, ils poussèrent des exclamations de surprise que Lucius eut peine à réprimer. Habitué à le voir dans ses vêtements râpés quand il venait furtivement au bureau causer quelques instants avec son frère, il ne voulait pas le reconnaître dans le personnage étrange qui arrivait. Chaussures, coiffures, habits, linge, gants, c'était véritablement le mannequin d'un magasin de confection qu'on met en montre pour décider ceux qui veulent être bien habillés. Mais dans ses habits neufs, il paraissait plus usé encore qu'à l'ordinaire, car il n'y avait plus accord entre le brillant lustré de ses vêtements et les pâleurs ternes de son visage amaigri. Il se faufilait au milieu des groupes, sans déranger personne, et seul parmi ces gens qui causaient de leurs affaires ou qui bavardaient, il allait sans s'occuper de lui-même ou des autres, sans pensée personnelle, perdu dans son émotion. Il se fit un mouvement sous la grande porte, et les groupes s'écartèrent pour livrer passage à deux femmes qui s'avançaient. Toutes deux étaient en noir, non sans être en deuil. L'une était une femme de 50 ans environ, qui, de son ancienne beauté, avait conservé un air de dignité et d'importance. Elle marchait en inclinant doucement la tête, tantôt à droite, tantôt à gauche, comme un souverain qui salue ceux qui ont l'honneur de se trouver sur son passage, ou comme un évêque qui donne discrètement sa bénédiction. L'autre, au contraire, marchait sans regarder personne, bien qu'elle ne tînt pas ses yeux baissés. Elle ressemblait à sa compagne autant que la 20e année peut ressembler à la 50aine. En tout cas, c'étaient les mêmes traits de beauté pure et fière, mais ce n'était point le même caractère. Ce qui avait été froideur et immobilité chez la vieille était chaleur et vie chez la jeune. En celle-ci, tout parlait. Ses yeux profonds, ses lèvres sanguines, sa démarche souple. « Avez-vous vu Mademoiselle Nelly et sa mère ?» dit Flavien en rejoignant les employés. « Elles sont venues à pied, je les suis depuis le temple. »« Hein, Maïdas, quelle femme ! Elle éclaire la rue comme un rayon de soleil. » « Ne dites donc pas de bêtises, » interrompit Lucius. « Ce que je vous fais observer là est pour votre bien. C'est une leçon dans votre intérêt. » Elles avaient monté l'escalier. En les voyant entrer dans le salon, Adolphe quitta la cheminée et vint au-devant d'elle. Madame Delis, qui était tendre et démonstrative, l'embrassa en pleurant. Juliette lui serra la main longuement, les yeux émus dans ses yeux pleins de larmes. « J'ai une grâce à vous demander, » dit-il en l'attirant dans l'embrasure d'une fenêtre et sans lui lâcher la main. « Je vous en prie, restez avec ma mère. »« Ce que vous nous demandez là est bien grave, » répondit Madame Delis. « Nous ne sommes pas de la famille et peut-être les convenances. Vous comprenez, mon cher enfant ?» Sans l'écouter, il continua à s'adresser toujours à Juliette. « Remplacez-moi près d'elle. Je vous le demande en grâce. Que je vous retrouve là. Moi aussi, au retour, j'aurai besoin de vous, de votre sympathie, de votre amitié. » Elle ne lui répondit pas, mais se tournant vers sa mère. « Nous resterons avec Madame Dalifard, maman. » « Alors très bien. » « Comptez sur nous, mon cher enfant. » Elles entrèrent dans la chambre de Madame Dalifard. L'heure était arrivée. On descendit l'escalier, et après un moment assez long de brouhaha et de désordre dans la cour et dans la rue, on se mit en marche. « Allons, » dit Maïdas en regardant le ciel qui s'était éclairci. « Il ne pleuvra pas. Nous avons de la chance. »